Oh là là, cet auteu, il m'a mis une de ses têtes, mon pote. Ah ouais, c'est du bête de pilon. Vas-y, mon pote, il vient du riff celui-là. Du riff, je suis même pas avec toi. Ah, t'arrives grave des trucs de ouf maintenant. Eh, t'inquiète pas, mon pote. Oh là là, à chaque fois on est foncé avec tes que trucs là. Ouais, mon pote, ça sert à rien de fumer, c'est fumer de la merde, les mecs. Non, mais j'avoue bien. Mais bon, je te raconte pas trop. Par contre, on est un peu cher, les gars, mais c'est ça, faut mettre le prix. Ah, c'est ça, faut passer les stars, mon gars. Passé. Oh là, les stars, les mecs, là, Bélec. Hein. Ah ouais, putain, personne n'a rien sur lui, quoi. Personne, t'as vu. Voilà, Bélec, t'as rapaz. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous venez par ici, s'il vous plaît. Bon, vous connaissez le tempo, hein. Vous mettez vos fils sur le côté. Arrêtez-moi, Paul, sur la voiture. Vous éteignez votre cigarette, monsieur, vous l'écrasez par terre. Vas-y, cavale, t'arrêtes pas, cours. Le monde part en couille, la société est pourrie. Chirac s'en fout plein les fouilles. Pendant que tu me fouilles, je tape des fous rires. Pendant que tu me donnes pas ta taf alors qu'on s'est fait blindé. Alors à force de bicrap, exceller le rinté. Je suis quinté par le stress, la peau teintée comme les vides de la caisse. Mine sa mère, j'ai tourné le 2-2. Je pèse la justice, à la sa bouche sur ma bleu-deux. J'en ai plus rien à péter, tout s'est pédé. T'entends pas, attends, je vais encore te le répéter. L'arrêt grave, on se fait baiser. Impôt, discrimination, violation de droit. Je pèse la gauche et la droite, ces fils de pute se mettent des droits. La prison, on y échappe rarement. Sarko, t'as le fils de pute, juste mon pot d'échappement. On est sale, on bicrave dans les caves, on est hal, on fait dans tout. Shit et la cam, si tu nous crames, on t'attrape. On jette dans les rails, tu trames, ça trame. Je fais des balances qui font 17. Boudjav, j'ai trompé ta grand-mère avec une ficelle. Si on traîne en bas de chez toi, c'est que chez nous c'est pas la fête. Chez nous y'a pas de café, y'a même pas de quoi se payer un café. Au smic, j'irai jamais taffer. Et ouais, c'est dur à la vie, on rêvait d'être une vedette au Real. Dans la place, on bicrave des barrettes à Châtelet les halles. Les keufs dans des chambres à gaz, ça c'est l'idéal. Parce que t'as vu, y'a eu trop de bavures. On se prend des baffes, on garde à vue. J'étais tous leur casse et leur chicot. T'as le kamikaze au comico comme le jihad. Dédicace aux victimes de bavures, bonnet et zihad. C'est champ de guerre. J'appelle les frères à se lever, c'est champ de guerre. Sortez les armes et braquez, c'est champ de guerre. Pour les lascars de cité, c'est champ de guerre. C'est tout qui vient tout niquer. Présente violence aux microphases brûlantes. Quand les trois types d'ambiance, la rue se change en tranchée. Terroriste musical, vin de l'horrible chargé. 92 animaux, c'est le trio qui vient faire mal. On montre le mauvais visage, un nouveau lieu pour nous. Rien de sans visage, on nous contient tant qu'on peut. Jusqu'au prochain dérapage, image terne et fausse. Depuis on a tourné la page, demande aux baveux. Nos quartiers sont dangereux, la preuve, association de quartier. Jeunes sportifs engagés, trois quarts du temps à taffer. Jamais personne en a parlé, viens-t'on chez nous, vérifier. Banlieue, cité, mec au chicotier. Gros duo, le chargé, mis de côté. Nous seuls, avons su avancer. Pas d'anarchie, une hiérarchie. Et pour monter ces modes, Tony, tant pis pour les morts. Montre-leur qu'ils ont eu tort. Chez nous c'est meurtrier, candidat à la politique. C'est sous trois quarts, c'est canon, on s'y écarte les riches. En polémique, pour l'Elysée, c'est la panique. PNR en campagne, on s'infiltre, c'est la technique. C'est la technique, ce serait c'est champ de guerre. J'appelle les frères à se lever, c'est champ de guerre. Sortez les armes et braquez, c'est champ de guerre. Pour les lascars de cité, c'est champ de guerre. C'est tout qui vient tout niquer. PNR vient étouffler, vient étouffler sa dream. Sont les drames sous nos têtes, accélère le crime. Accentue les primes pour ma brigade. J'ai la date, illégale, je suis. Je n'ai jamais ma prise. Car j'encaisse mal sous leur emprise. Dans mon territoire, sans ton pare-balles. C'est mon talent qui t'étale, c'est mes dalles qui t'entourent. Bâtard qui déballe, fais société en balle. Je vais m'inquiéter, équipe de révoltés. Quand ça part en couille, quand tsunami te met une claque. Mon coup s'agrandit et se resserre. Mon rap, comme la terre se réchauffe. Nouvelle ère, pour mes raps, ça bang bac. Chauffe ma voix, c'est pour ces sociétés. Quand les piles sont mangeurs d'hommes, quand les coups de tête finissent en finale. Quand les hommes congèlent leurs mômes, quand les bombes éclatent, quand ça fait mal. Écoute, le son rauque, la rage de l'époque, on évite tous les dérapages. Les otages dans les caves, 92, fais les balisés. Braquage, brigade aux Champs-Elysées. Mais c'est 92, je viens traumatisé. Je viens faire pousser ma graine dans ce monde de haine. Rap, brut, sinon t'es mort, on a les gros échanges de guerre.